Bonjour amis Lyon, donc je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de l'oracle de Béline pour le mois de septembre 2023. Je m'adresse également aux ascendants Lyon. Alors pour ce nouveau cycle de rentrée, on a décidé de revenir à un tirage plus général. Donc on va voir de quel domaine veut vous parler l'oracle de Béline. Alors Lyon, septembre 2023. Quel est le conseil ou le message de l'oracle? Ça a claqué un peu fort, là, les cartes. Bon, ça parle peut-être que de votre état d'esprit, en fait. En cette rentrée 2023, vous avez peut-être... Peut-être que les vacances, si vous en avez eu, ou en tout cas un petit arrêt de travail, un petit, vous a fait du bien, vous a permis de réfléchir à votre statut, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et ça vous a fait une belle mise au point durant cet été, j'ai l'impression. Et puis pour certains, bon, il y a peut-être des envies de nouveaux départs et une certaine attente qui vous habite. On va voir quel est le tirage pour les lions, donc 2023. Je prends les cartes au hasard. Alors, je dois en retirer. Qu'est-ce qui va se passer après? D'accord. Donc, il y a, par rapport à cette attente dont on vous avait parlé, une envie d'évolution. C'est vrai que vous avez réfléchi à comment évoluer dans votre carrière, mieux vous positionner, peut-être changer. Et c'est vrai que, bon, vous rentrez peut-être avec, avec un certain malaise concernant certaines obligations qui vous pèsent beaucoup et vous vous demandez comment vous pouvez vous en libérer. Vous aimez changer les choses et vous êtes des personnes d'action, les lions. Donc, vous n'êtes pas du genre à rester à vous plaindre dans une situation qui ne vous convient pas. Et là, vous sentez que vous devez vous libérer de certains poids, certaines obligations qui vous pèsent trop. Et donc, voilà, en effet, vous cherchez comment peut-être laisser tomber certaines obligations. Et en même temps, bah, c'est pas évident parce que tout le monde le sait, il y a des responsabilités, des obligations ou socio-professionnelles ou par rapport à la famille, par rapport aux enfants, etc., mais qu'on ne peut pas laisser tomber. Donc, on doit y être fidèle, même si cela nous pèse et nous fatigue, et même si on a envie de plus d'épanouissement individuel. Alors, la conclusion, c'est que vous êtes sur le bon chemin et qu'en effet, il y a peut-être, alors pas 10 000 responsabilités et obligations à laisser tomber, bien sûr, mais il y a quelque chose vraiment que vous pouvez laisser tomber et vous devez en tout cas vous consacrer en cette rentrée à vos projets personnels, à votre travail. Et ici, l'oracle, il vous rassure, il vous dit que vous avez une très bonne, très belle image, une très bonne réputation. Vous y êtes attaché souvent les lions. Et donc, n'hésitez pas à parler aux autres, à expliquer que vous avez besoin d'un peu plus de liberté en cette rentrée 2023 pour un projet, vos projets personnels, et vous serez compris. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et continuer d'agir en fonction de vos besoins. C'est comme cela que vous allez trouver l'épanouissement. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée 2023.